Nous avons de la grande visite. Monsieur Riopel, Pierre Riopel, nous a écrit. Un jour, je tombe sur un passage dans un livre tellement précis que je deviens à peu près convaincu que BDM a été influencé par ce livre. Moi, je n'ai pas de difficulté avec les éléments que tu amènes, mais comment démêler qui a copié qui et à quel moment? Là, moi, je parlais pas nécessairement de copier, je parlais d'influence au sens récupérer une forme pour s'en servir comme un terme. J'en suis venu à un point que je ne m'occupe plus de la source. Je regarde si le matériel me convient, que ce soit BDM ou non. OK. Dans la vidéo qui commente, c'est cette vidéo-ci, là, Bernard, un contexte dans le temps. Dans la vidéo qui commente, moi je l'ai dit, les gens là-dedans ont souvent une attitude de mystique au sens où ils refusent toute étude intellectuelle sur la provenance ou la naissance des termes employés par eux-mêmes. C'est ce que la vidéo dit, puis c'est ce que M. Riopel, d'une certaine façon, montre. Il y a Alice Monde qui lui répond. Elle ironise, elle dit « C'est vrai, la Blavatsky, Steiner, Joseph Smith ont probablement été influencés par Bernard de Montréal. » Là n'est pas la question. Mais si le monsieur est censé avoir apporté de quoi de nouveau, c'est quand même bien souvent de la mémoire remâchée des connaissances plutôt que du savoir sûr. Puis là-dessus, je suis d'accord, parce qu'il y en a, ils vont dire « On s'arrête au niveau de la forme », mais c'est pas le cas. Parce qu'il amène pas juste la forme. Il amène des concepts, il amène des éléments qui sont exactement les mêmes parfois que c'en est trouble. Donc, en effet, on en revient de Bernard comme de tout enseignant. Enseignement. Je dirais plus enseignant qu'enseignement, parce que c'est en tout cas. Pour finir par juste vivre sa vie avec toujours un peu moins d'illusions dans le collimateur et donc plus sainement, si possible. Donc, moi aussi, j'avais répondu et je disais, j'ai une méthode très simple parce qu'il disait, comment savoir quoi qui vient d'où? Puis, ben, l'espace-temps, le test, c'est linéaire, hein, ça marche pas reculant. Donc, j'ai une méthode très simple. Si un livre comme La cosmogonie d'Urantia a été publié en 1955 et que Bernard n'a rien publié avant les années 80, puis même là, en tout cas, quand un terme est commun, c'est Bernard l'influencé. C'est toujours Bernard qui emprunte ou qui est influencé. C'est pour ça qu'Alice semble ironiser plus bas. Vous me demandez réellement avec des gens parfois du 19e siècle et Bernard mort en 2003, qui est la source de qui? Pas même là dans le sens qui sert de véhicule. Parce que même là, c'est pas une affaire de source, mais de véhiculer quelque chose dans le fond, mais ça fonctionne dans un sens linéaire. Ça fonctionne dans un sens linéaire, ça va par culons. Donc ça, c'est une question de déduction. C'est une question de déduction, puis ça aboutit à quoi? À des affaires, soit c'est réel, soit ça ne l'est pas. Mais on dirait que ça les intéresse pas, le réel. Puis c'est dommage, mais c'est vrai ce que je dis là. C'est le réel qui fait leur affaire. Parce que ça, je l'ai vécu. Si vous amenez des éléments qui font pas leur affaire, que ce soit réel ou pas, ils vont préférer couper les ponts au niveau social plutôt que de continuer à côtoyer quelqu'un qui amène du réel qui fait pas leur affaire. Parce que quand Bernard il parle du réel, le réel, c'est ce qui englobe toutes les réalités au-delà de la perception, c'est la chose en soi, en dehors de la perception que nous palpons à travers elle puis que nous réinterprétons au niveau de notre psychisme. Puis de notre intellect. On n'a pas le choix de s'en servir de l'intellect pour la déduction. Puis dernièrement, je vais dire à quelqu'un, j'avais dit là, vous autres, il serait peut-être temps que vous vous remettiez à réfléchir puis à oublier ce que certains comme Bernard ont dit de la pensée parce que ça commence à faire dur. Ça commence à faire dur, pas à peu près. Parce que, juste un exemple, cette même personne-là qui m'écrivait « j'ai pas le temps de me chicaner », je la revois quelques minutes plus tard ailleurs, puis tout, puis elle écrit carrément quelque chose de pas intelligent qui peut tomber sous le coup de la loi. Or, il y a une façon de faire les choses. Il y a une façon de faire les choses. C'est ça un peu la multidimensionnalité, à un moment donné, d'être capable de penser à deux affaires en même temps. De pas perdre de vue quelque chose à cause de... Ça m'arrive des fois d'être en colère puis tout, mais mon émotionnalité, par contre, elle me fait pas perdre de vue. Le but, ça, je le perds pas de vue. Parce que là, en plus, moi, pour faire une démonstration, je les ramasse en public. Il y en a, ils m'écrivent des affaires. C'est sûr, les gens qui me disent merci puis tout, je le sais qu'il y en a que c'est parce qu'ils s'en rendent compte que c'est ingrat ce que je fais. C'est très ingrat. Ça peut absolument rien me donner. C'est moi qui vais payer pour au bout de la ligne tout le temps, d'une certaine façon. Donc, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Il y en a, ils m'écrivent, je vais être porté à les répondre, pas aux gens qui sont fins puis qui me disent merci, mais aux gens qui essayent justement de me prendre en défaut. Puis, c'est bien dommage, mais la réponse souvent est très rapide. Hein? Puis, le monde, ils reviennent. Ça finit là. Ça finit là. Parce que, quelque part, c'est juste une question d'être honnête. C'est juste une question d'être honnête. Moi, pourquoi il y a des affaires sur l'armée de Marie, entre autres, sur ma chaîne? Parce que je veux que les jeunes qui sont nés là-dedans, qui sont pas bien avec eux autres dans le fond, dans le sens qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose qui n'a pas d'allure là-dedans, ils sentent qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis ça les met en conflit par rapport à leur milieu. Puis tout le monde autour d'eux autres, c'est du monde là-dedans. Fait que je veux que s'ils vont sur Internet, puis qu'ils se mettent à faire des recherches par eux-mêmes, qu'ils puissent tomber sur un adulte qui leur dit, moi, j'y crois pas que Marie-Paule Giguère est Dieu, puis c'est correct. Puis que c'est correct que tu y crois pas, tant qu'à moi, t'as pas tort. C'est tout, là. Quand j'étais enfant, j'aurais aimé ça qu'un adulte vienne me dire, tu sais, Bernard, c'est peut-être en partie de la bullshit. Bernard, là, il a eu un pic. Là, il est atteint, il va se diffuser dans le monde, mais c'est une goutte. C'est une goutte d'eau dans l'océan de l'ésotérisme international. Imaginez Bernard dans une place comme le Brésil, qui ont des affaires bien plus fascinantes, dans le fond, donc bien pire. Bien pire, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Moi, je pense aux Québécois. Je pense aux Québécois, aux Canadiens français, puis aux Européens francophones. Qu'il y ait aussi une autre voie, qu'il y ait des voies alternatives un petit peu par rapport à ça, parce que c'est tellement niché, c'est tellement... Coucou Francine! Mademoiselle Valence va te faire un bon banana split, hein?